reste de l'âme. Poète de toute heure, tu n'écris pas un drame, mais l'écho des humeurs, tu prends la mesure de l'immesurable et rends bien moins dure ma vie misérable. Je te donne ma souffrance, ma joie et ma haine, tu me soignes et me penses, digère toutes mes peines. Mais que vivent les poètes inconnus aux grandes vedettes, naufragés dans la tempête, accostant au bord du Sept. Ton visage est pareil à celui de la foule, solitaire, pareil au creux de la houle. Tu ne parles pour personne que celui qui t'écoute. Tes paroles résonnent encore tard sur cette route. Mon cœur se détend lorsque j'entends ta voix, mélodie hors du temps. Je médite et je crois. Mais que vivent les poètes inconnus aux grandes vedettes, naufragés dans la tempête, accostant au bord de cette. Avaler de l'écume, juste avant de sombrer, au journaliste de l'art, poète de toute heure, tu n'écris pas un drame, mais l'écho des humeurs, je te donne ma souffrance, ma joie et ma haine, tu me soignes et me penses, digère toutes mes peines, que vivent les poètes, inconnus aux grandes vedettes, naufragés dans la tempête, accostant au port de cette.